بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة هذه الدروس في شرح أصول الإيمان للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. On continue les cours, chers frères, dans l'explication des fondements de la foi de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa ma'ana al-yawm hadithan fi bayan asbab al-fitan wa asbab hadm al-islam. On verra aujourd'hui deux hadiths très importants qui montrent les causes des troubles et les causes qui mènent à l'anéantissement de l'islam. L'auteur qui nous dit rahimahullah wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala kayfa antum idha labisatkum alfitna aw idha labisatkum fitna yarbu fiha as-saghir wa yahrimu fiha al-kabir tuttakhadhu sunnatun yajri an-nasu 'alayha فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين رواه الدارمي. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit: comment serez-vous lorsque vous serez pris par une fitna, par une période de trouble, durant laquelle va grandir le petit et va vieillir le grand? Durant cette période de trouble, des agissements seront pris comme sunnah. Les gens prendront durant cette période de trouble des agissements comme sunna. Et si on vient à changer cela, à changer cette sunna que les gens ont prise comme sunna, yarhamukallah, durant cette période de trouble, alors il sera dit certes, une sunna a été délaissée. Alors il dit: quand arrivera cela, ô Abba Abdirrahman, c'est-à-dire Ibn Mas'ud, quand est-ce que cela arrivera? Il dit: lorsque vos récitateurs augmenteront. Donc le nombre des récitateurs, ce qui est voulu ici par le Qurra, ce sont ceux qui vont lire et réciter le Coran. Et donc lorsque les récitateurs vont augmenter et que vont diminuer les savants, al-fuqaha, les savants, et lorsque vos biens vont augmenter et que le nombre des personnes fiables parmi vous va diminuer, et lorsque on cherchera la dunya, ce bas monde, les délices de ce bas monde, en accomplissant des actes de l'au-delà, et lorsque on apprendra at-tafakkur, apprendra la science religieuse pour autre que la religion. Rapporté par Ad-Darimi, wa hadha al-hadith qad sahahahu al-imam al-Albani rahimahullah. Ce hadith a été jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah, wa huwa fi hukm al-raf'. Et ce hadith a le jugement d'un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ici c'est la parole d'Ibn Mas'ud. Mais Ibn Mas'ud, il nous parle d'un sujet à venir. Ibn Mas'ud ne connaît pas l'invisible, il ne connaît pas le futur. Et donc cette information est la prise du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-ikhwa, ma hiya hadhihi al-fitna? Quelle est cette fitna? Fitnatun yarbu fiha as-saghir. Une fitna durant laquelle va grandir le petit. Wa yahrimu al-kabir, et va vieillir le grand. Al ma'na anna hadhihi al-fitna tawila tatul. La signification, c'est que c'est une fitna qui dure longtemps. elle perdure dans le temps. Le petit, il naît dans cette fitna et il vit avec, il va grandir avec celle-ci. À tel point, يعني إلى درجة أن الناس يتخذونها سنة تربوا على ذلك. À tel point que les gens vont prendre les agissements qu'il y avait durant cette période de trouble, ils vont prendre cela comme étant la sunna. C'est ça la sunna pour eux. C'est ça la sunna. فَإِذَا جِئْتَ تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ الْحَقِّ قِيلَ هَذَا جَاءَ بِدِينٍ مُخْتَرَى. Lorsque tu vas venir en expliquant aux gens la vérité, les gens me diront, ah, celui-ci, il est venu avec une religion inventée. Mubtada, une religion innovée. Fekot ja'a bil wahhabiyya, il est venu avec le wahhabisme. Wa ja'a bil madkhaliyya, il est venu avec le madkhalisme. Il est venu avec une nouvelle religion. Pourquoi? Li'anna an-nas tarabba'u 'ala hadhihi al-fitna. Parce que les gens, ils ont grandi avec cette fitna, et ils ont grandi durant cette période de trouble. Et ils pensent que c'est ça, l'islam. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَهُوَ أَنَّ مَا عَلَيْهِ النَّاسِ لَا يُتَّخَذُ حُجَّةً إِذَا خَالَفَ النَّصِ إِذَا خَالَفَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Il y a dans ce hadith quelque chose, une règle grandiose, qui est que les agissements des gens, la pratique des gens, ne peut pas être mise, ne peut pas être utilisée comme preuve si cette pratique s'oppose à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَبَعْدُ النَّاسِ مَثَلًا تَرَبَّوْا عَلَى مَنْهَجِ الْإِخْوَانِ. Des gens, par exemple, ils ont grandi selon la règle des Ikhwan. La yunkiru ahadun ala ahad. On ne se fait pas de reproches. Naishu kulluna ma'abad. On vit tous ensemble, les Ikhwan, tablir, etc., etc. On s'aime, et patati, et patata. Ne fais pas de reproches à ton frère. Certaines personnes ont grandi avec ça. Parce que le manhaj des Ikhwan s'est propagé. Aujourd'hui, lorsque tu viens en disant aux gens, attention, c'est une innovation, ils vont te dire, ah, anta tatakallam fi nas. Ah, tu parles sur les gens. Tu critiques les gens. Comme si cela n'est pas de la sunna. Le fait de critiquer celui qui est sur le faux. Le fait, donc, de blâmer celui qui est sur le faux. Celui d'entre vous qui en a la capacité, alors qu'il le change de sa propre main. S'il ne peut pas alors par sa langue, qui a dit ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a énormément de preuves qui montrent que dans la sunna il est obligatoire d'expliquer aux gens la vérité. وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ. Et ce hadith fait partie des preuves aussi qui montrent cela. لِمَ لِأَنَّ النَّاسِ إِنْ سَكَتُوا فَتَعُمُّ الْفِتْنَةِ وَظَنَّ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ هِيَ السُنَّةِ. Et donc, si les gens se taisent tous et que personne ne montre la vérité, alors la fitna, cette période de trouble, va prendre de l'ampleur. Et les gens vont penser que c'est ça la sunna. Ils vont penser que c'est ça la sunna. Et donc il est impératif de parler pour éviter cela. Et ça me rappelle une parole de Cheikhouna Cheikh Bandar, hafidhahullah ta'ala, lorsqu'on parlait de la fitna des Moussafiqa et de Mohamed bin Hadi. Il disait, أتظنون أن الشيخ ربيع تكلم حبا فينا. Est-ce que vous pensez que Cheikh Rabi' il a parlé parce qu'il nous aime? Hein? Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'il a parlé? كلا. الشيخ ربيع تكلم حتى لا يتخذ الناس حتى لا يتخذ الناس هذه الأسلوب سنة. Le cheikh, il a parlé afin que les gens ne prennent pas cette méthodologie comme étant une sunna. Afin que les gens ne pensent pas que c'est ça la sunna. أَنَّكَ تَأْتِي وَتَتَكَلَّمْ فِي كُلِّ النَّاسِ دُونَ دَلِيلِ. Que tu viennes et que tu te permettes de parler sur les gens sans preuve. Si les savants ils se taisent et qu'ils n'expliquent pas aux gens la vérité, les gens vont penser que c'est ça la sunna. Le alim, tant que c'est un alim, il peut faire ce qu'il veut, il peut critiquer qu'il veut, faire comme il veut, c'est un alim. Et donc il est important justement, aux chers frères, d'expliquer aux gens la vérité et de ne pas se taire afin de diminuer les méfaits de la fitna sur la communauté musulmane. وفي هذا الحديث أيها الإخوة أن من أسباب هذه الفتنة كثرة القراء وقلة العلماء. Il y a dans ce hadith le fait que parmi les causes de la fitna, il y a le grand nombre des récitateurs et la diminution des savants. فالقراء كثيرون كما تشاهدونه. Et donc les récitateurs sont nombreux, comme vous pouvez le constater. Dans tous les pays. Même maintenant, on a en France les récitateurs francophones qui participent aux concours internationaux de récitation de Coran. Et donc ils sont nombreux. Qui sont ceux qui comprennent ce livre? Qui sont les savants? Où sont-ils? Et c'est là le danger. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah la yakbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur ar-rijal. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala n'arrache pas la science, n'enlève pas la science en l'arrachant de la poitrine des hommes. Inna ma yakbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Certes, il fait partir la science en faisant mourir les savants. فَاتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَاسًا جُهَالًا. Alors les gens, ils vont prendre des ignorants qu'ils vont suivre. فَيَسْأَلُونَهُ. Ils vont les interroger. فَيُفْتُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ils vont donc égarer les gens sans science. Ils vont donc faire des fatwas et mettre des fatwas sans science. فَيَدِلُّونَ وَيُدِلُّونَ. Ils vont donc s'égarer et égarer les gens. Et donc, il est important, mon cher frère, qu'on prenne conscience de ce grand danger. Le fait de faire attention à revenir vers les ulama. وَأَنْ لَا نَعْتَرْ بِكَرَاءَةِ فُولَنَ وَفُولَنَ. Et qu'on ne soit pas trompé par la récitation d'un tel ou un autre. وَقَدْ صَحَّحَ الْإِمَامُ الْأَلْبَانِي حَفِظَهُ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهِ طَرِيقًا أَوْ حَدِيثًا. L'imam al-Albani, rahimahullah, il a authentifié un hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Aktharu munafiqi hadhihi al-umma min al-qurra'. » Le plus grand nombre des hypocrites de cette communauté font partie des récitateurs. Rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Ayyou al-Ikhwa, « Indana fi hadhihi al-azmina » أمر آخر. تجاوزنا هذه المسألة. On a à notre époque, oh chers frères, un autre point dangereux. On a déjà dépassé ce sujet. Le fait qu'il y ait beaucoup de récitateurs qui ne connaissent pas, qu'il y a peu de savants, on a déjà dépassé cela. Aujourd'hui, نحن نجد كثرة المغنيين. كثرة المغنيين بالقرآن. Le grand nombre de chanteurs avec le Coran. Hein? Tu as quitté, tu as arrêté le rap, tu as arrêté le R&B, ou tu as arrêté le zouk. Hein? Tu veux te mettre dans l'istiqama? Écoute Foulen, comment ils récitent le Coran. Ils prennent le Coran comme instrument de musique. Hein? Tu les vois sur Twitter, tel récitateur qui dit: ferme les yeux et écoute Ayat al-Kursi. Mashallah. C'est fini le ta'amoul. C'est fini le fait de dire médite sur Ayat al-Kursi. Non, ferme les yeux et écoute. Subhanallah. Et donc, oh chers frères, c'est vraiment un grand danger. C'est vraiment un grand danger ce qui arrive aujourd'hui à la communauté musulmane. فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَفْهَمَا أَيُّوَ الْإِخْوَى أَهَمِّيَّةَ الرُّجُوعِ إِلَى الْعُلَمَا. Il est important qu'on comprenne l'importance de revenir vers les ulama. أَهَمِّيَّةَ الرُّجُوعِ إِلَى فَهْمِ كِتَابِ اللَّهِ. L'importance de revenir vers la compréhension du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَكَذَلِكَ أَيُّوَ الْإِخْوَى Allah tabaraka wa ta'ala يَكُولُ لَنَا فِي كِتَابِهِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Et si il y avait dans chaque communauté un groupe qui allait pour étudier leur religion. Les savants, ils nous disent, Allah tabaraka wa ta'ala lam yakul. Il n'a pas dit liyahfavu. Il n'a pas dit afin qu'ils mémorisent. Il n'a pas dit liyakra'u, afin qu'ils récitent. Il a dit liyatafaqahu fi ddin, afin qu'ils cherchent à apprendre, à comprendre. Al-fiqh, la compréhension. Qu'ils recherchent à comprendre leur religion. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on trouve dans les textes. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Où est-ce qu'on trouve donc ces textes qui nous montrent l'importance de réciter avec telle voix ou telle voix? Oh chers frères, ce qui est important, c'est le fait de méditer sur le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'œuvrer avec. وكما تعرفون أيها الإخوة وكما فهمنا كما رأيناه في الحديث الذي قرأته عليكم comme vous le savez et comme vous le comprenez clairement dans le hadith que j'ai récité tout à l'heure. فقلة العلماء من علامات الساعة. La diminution des savants fait partie des signes de la fin des temps. وكلما مرت الأزمنة كثرت الفتن. Et plus donc le temps passe et plus il y a de troubles. Et donc, on comprend clairement que la diminution des savants fait partie des causes qui augmentent les fitanes. وَكَذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَفَّةُ الْأَمْوَالِ وَقِلَّةُ الْأُمَنَاءِ. Il y a aussi dans ce hadith, parmi les causes qui montrent les causes des fitanes, les causes des troubles, il y a donc le fait que nos biens vont s'accroître, augmenter, et le fait que parmi nous, le nombre de personnes qui sont fiables diminue. Les personnes de confiance, al-umana. Fayakthuru au takthuru al-khiyana. Et donc les tricheries, les ruses vont augmenter dans la communauté. Wa kadhalika wa min ashaddi anwa' al-khiyana, al-khiyanatu fi ddin. Et la plus donc dangereuse forme des tricheries, de tricherie, il y a la tricherie dans la religion. فهذا الذي كثرت امواله, celui qui donc ses biens ont augmenté. واغتر بهذه الاموال, et qui est leurré par cet argent. ويفتي الناس ويعلم الناس حسب هذه الامور الماديه. Et qui va donc faire émettre des fatwas et enseigner aux gens en fonction de cet argent. Antum tunfikuna alayya fa ana u'tikum ma turidun. Et donc vous dépensez pour moi, vous me donnez mon argent, alors je vous donne ce que vous voulez comme fatwa. Toi tu veux que ça soit halal, la baisse 500 euros. Toi tu veux ça, etc. etc. Et ça c'est une fitna, oh chers frères. Le fait que certains soient trompés par ce poste d'imam, ce poste de mufti ou autre, et qui vont émettre des fatwas en pensant à leur poste, en pensant à ne pas perdre ce poste. Ça, c'est une khiyana, une tricherie et une grande cause de troubles, de propagation du mal dans la communauté musulmane. Wa kadhalika min asbabil fitan 'amalul munafiqin. Il y a aussi parmi les causes des troubles il y a les agissements des hypocrites. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا والتمست الدنيا بعمل الآخرة et que la dunya soit recherchée en accomplissant des actes de l'au-delà. Ça c'est quoi ça? C'est les actes des munafiqoun, c'est les agissements des hypocrites. Les hypocrites qui ont dit la ilaha illallah, ça fait partie des agissements de l'au-delà pour pouvoir être tranquille. Et donc ils veulent la dunya, mais ils utilisent des agissements, des actes de l'au-delà. Comme on peut le trouver aujourd'hui avec le même poste que je viens de citer, imam ou responsable de mosquée, ou mu'adhdhin ou prieur fidèle d'une mosquée, nous sommes tous confrontés, mon cher frère, à cette fitna. Tous. لِذَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَيُّهَا الْإِخْوَةَ أَنْ نُخْلِصَ النِّيَّةَ لِلَّهِ. Il est obligatoire, mon cher frère, qu'on accorde un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. هذا مهم. Ça c'est très important, c'est la base. C'est la base. يجب عليك في كل وقت أن تراعي هذه السنة أو أن تراعي هذه النية. Il est obligatoire à chaque instant que tu fasses attention à cette niya, cette intention. Même vous les enfants, les plus jeunes, même vous, vous êtes concernés. Certains enfants parfois, est-ce que tu viens à la mosquée? Est-ce que tu viens prier pour faire plaisir à papa, maman, hein, pour éviter la punition, etc. Ou alors tu le fais lillah. Ça c'est important les enfants. C'est important, quand tu le fais, c'est pour Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est pas pour faire plaisir à papa. Et donc, il faut qu'on fasse tous attention, on est tous confrontés à ce problème, mon cher frère. Et cela fait partie des causes qui augmentent la fitna, les troubles dans la communauté musulmane. En yutafaqqaha fi dini min ajli dunya. Que certains vont étudier la religion pour obtenir les biens, les délices de ce bas monde. لأنه يعرف أنه لو حصل على الدكتوراة أو غير ذلك يكون إماما له وظيفة وبيت و il sait très bien que s'il a un doctorat ou autre, hein, il va pouvoir être imam, avoir une demeure, hein, la maison de fonction de l'imam, la voiture de fonction de l'imam et tout ce qui va avec. Et donc c'est une fitna. Et donc il est important, cher frère, qu'on fasse attention à tous ces éléments qui ont été cités dans ce hadith. Le deuxième hadith qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, an Ziyad ibn Hudayr, deux hadiths. An Ziyad ibn Hudayr radiyallahu anhu qala li Umar, hal ta'rifu ma yahdimu l'islam? Ziyad ibn Hudayr radiyallahu anhu qui nous dit, Umar radiyallahu anhu, il m'a dit, est-ce que tu connais ce qui anéantit l'islam? Kultula, j'ai dit non. Alors Omar, il a dit, yahdimuhu zallatul alim. Il a dit, l'erreur du savant. L'erreur du savant l'anéantit. Wajidalul munafiqi bil kitab. Wajidalul munafiqi bil kitab. Et le fait que l'hypocrite va débattre avec le livre. Wahukmul e'immatil mudillin. Et le jugement des imams égareurs. Ayyuha al-ikhwa, fi hadha al-hadith khuturat zallatil al-alim. Il y a dans ce hadith le danger de l'erreur que va accomplir le savant. Wa kullu al-ulama yukhti'un. Tous les savants, ils se trompent. Kama qala al-imam Malik. Kullun raddun wa mardudun alayhi illa sahib hadha al-qabr. Tous. Donc, nous pouvons accepter leur parole et nous pouvons la refuser, sauf celui qui est dans cette tombe. Et il a montré la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ تَمَسَّكَ بِزَلَّةِ الْعُلَمَةِ انْحَرَفْ. Celui qui s'accroche aux erreurs des savants, il s'égare. وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِمَنْ يَتَمَسَّكْ بِزَلَّةِ عَالِمٍ فِي تَضْعِيفِ حَدِيثٍ قَبِلَهُ الْعُلَمَةِ قَرْنًا ba'da qarn. On a déjà abordé ce sujet lorsqu'on a parlé donc de celui qui va s'accrocher à l'erreur d'un savant qui va critiquer un hadith qui a été accepté par les savants de génération en génération. Et donc, il est très dangereux, aux chers frères, de s'accrocher aux erreurs des savants. Comme ceux qui vont chercher à s'accrocher à certaines erreurs. Al-hijra min France. Allez, c'est à toi, Djiba. C'est pas obligatoire de faire la hijra depuis la France. Et on te dit, ah, t'as vu, il y a un savant qui a dit ça. Ils ont dit que c'est pas obligatoire. On reste ici, carte vitale, aide sociale, etc., etc., etc. Et donc, si tu t'accroches aux erreurs des savants, tu te mets dans un grand danger. C'est grave. Parmi les erreurs, le fait de voter. Comme certains nous ont dit, ah oui, il faut voter pour le moindre mal. Certains savants ont dit ça. C'était les dernières élections. Demandez-leur aujourd'hui, hein, après tout ce qui s'est passé, avec toute la salata qu'il y a eu, hein, est-ce qu'aujourd'hui ils nous disent la même chose, le moindre mal? Cheikh Rabia, hafizahullah, lorsque cette parole lui a été citée, le fait que certains ils se basent sur les paroles de certains ulémas pour aller voter, il a dit Kif, yajlisuna inda al-kuffar, thumma yantakhibun lahum. Donc déjà, il reste auprès des mécréants, et en plus de ça, ils vont voter pour eux. Allah al-musta'an. Et donc c'est grave, mon cher frère. Il faut pas, on ne peut pas rester comme ça à s'accrocher à certaines erreurs de certains savants. Nous devons nous accrocher aux preuves. Qu'al Allah wa qu'al Rasuluhu. Rappelez-vous cette parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Al-ilmu ma fihi qu'al hadathana. La science, c'est ce qu'il contient. Hadathana m'a rapporté la chaîne de transmission. Qur'an wa sunna. C'est ça la science. Wa ma si wa dhaka wa waswas ash-shayatin. Et tout ce qui est en dehors de cela fait partie des insufflations du diable. Et donc, il faut qu'on fasse attention, mon cher frère. Barakallahu fikum. Wa dhakara al-ulama min fawaid hadha al-hadith anna talib al-ilm wal-alim la yanbaghi lahum an yasta'jilu fil fatwa. Et donc, les savants nous citent parmi les leçons de ce hadith le fait que l'étudiant en science, le savant, il n'est pas convenable qu'il se précipite à émettre une fatwa. Parce que les gens, ils vont dire, un tel, il m'a dit, c'est permis. Un tel, il m'a dit que je peux. Fastashir ikhwatek. Alors, demande conseil à tes frères. Il n'y a pas de mal à ce qu'un imam, un étudiant en sciences ou même un savant demande conseil à ses frères avant d'émettre une fatwa. Et donc, c'est très dangereux, chers frères. Donc, le fait de se précipiter dans le fait d'émettre des fatwas. Et comme on l'a cité, parmi les causes qui vont mener à la perdition, il y a le débat des hypocrites. Ceux qui vont chercher, qui vont utiliser le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala pour égarer les gens. Yabhathuna an ayatin min kitabillah li yukhrijun nasa min al-islam. Ils vont chercher des versets du livre d'Allah pour faire sortir les gens de l'islam. Pour faire sortir les gens de l'islam. فبعض الناس يبحث عن أدلة من كتاب الله ليبين جواز السخرية بالله تبارك وتعالى. Certains donc qui vont chercher des preuves dans le livre d'Allah pour montrer qu'il est permis de se moquer d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont te dire qu'il est permis de faire des caricatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. هذا نفاق, c'est de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْذِئُونَ. Dites, est-ce que c'est d'Allah, de ses lits, de ses signes, de ses versets, et de son messager que vous vous moquiez? لَا تَعْتَذِرُوا. Ne vous excusez pas. فَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Certes, vous avez mécru après avoir eu la foi. Et donc, c'est un danger, oh, chers frères, de faire, nous devons faire attention à ces fatawas, à ces Bayen qui sont faits par certaines personnes qui cherchent à égarer les musulmans. Et enfin, ici, donc ici, Omar, il a cité, radiallahu anhu, pour finir, le jugement des imams égareurs. Les savants nous disent ce qui est voulu ici, c'est es-salatin. C'est-à-dire, par le mot imam, ce qui est voulu, c'est donc les gouverneurs. Les gouverneurs. لِأَنَّ النَّاسِ فِي الْغَالِبِ يَتْبَعُونَ إِمَّتَهُمْ. Car les gens, en général, ils vont suivre leur gouverneur. يَخَفُونَ مِنْهُمْ. Ils ont peur d'eux. فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَاكِمْ يُضِلُّ النَّاسِ وَيُلْزِمُ الْبِدَعِ وَيَرْضَ بِهَا اِتَّبَعَهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Et donc, si ce gouverneur, il impose des innovations et il agrée les innovations et les turpitudes, alors les gens vont le suivre en cela. Et donc ça, c'est une grande cause qui amène à la perdition et à l'anéantissement de l'islam. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue demain, bi-idhnillah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite, une science profitable, il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا